walk home this morning, and I feel round for my shoes. You know when I got these, I'm no walking blues. Walk home this morning, I feel round for my shoes. You know when I got these, I'm the middle, not a walking blues. Lord, I feel like blowing mine, I got lumps and horns. Woke up this morning, out of burners was gone, Lord. Woke up this morning, I feel around, long and on. You know when I got me down the middle, the lumps and horns. This morning I feel round for my shoes. You know when I got me from the middle walking blue. Woke up this morning, oh, I feel round for my shoes. You know when I got me down the middle walking blue. He s'appelle Barefoot Hino. Le pape est mort. Longue vie à la pape. Mobile. Ouh. Ça va toujours? Bon, ça c'est cool. On va rester encore un petit moment avec vous, et puis après on va laisser la place à Fantasio, René Lacaille. On aimerait quand même remercier déjà... Dynamusic de nous avoir accueillis deux soirs de suite. Vraiment merci, merci beaucoup à eux. Vous pouvez les applaudir. On remercie aussi la faïencerie. On remercie aussi les gens qui sont tous au ski et à la Bastille. Ça fait un tri. Et on a Clélite ce soir. Applaudissez-vous, merci beaucoup.